Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord. 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de judo. C'était les championnats canadiens de judo qui avaient lieu en fin de semaine. Et ça a quand même bien été pour Marie Besson de Dolbeau-Mistassini. Marie Besson qui a remporté deux médailles. Elle a remporté deux médailles d'or. Elle a fait d'abord Taya Koyaska chez les moins de 52 kilos. Et elle a également remporté la victoire du côté senior. Il y a également un athlète de Dolbeau-Mistassini, Félix Côté, qui a remporté le bronze chez les 73 kilos. Donc, c'était les athlètes qui ont performé en fin de semaine au championnat canadien de judo. Parlons maintenant, on va parler dans un deuxième temps des voyageurs de Jonquière qui ont diffusé le programme double contre la formation des Orioles de Montréal au stade Gary Carter. Dans le premier match, les voyageurs ont gagné 8 à 4. Et dans le deuxième match, ils ont perdu 5 à 2 contre la formation des Orioles. Maintenant, le circuit senior de golf du Saguenay-Lac-Saint-Jean a dévoilé son calendrier pour la prochaine saison estivale. Et le club de golf de Dolbeau-Mistassini va recevoir le 19 juin l'Omnium senior. Et le club de golf de Saint-Prime, eux, ben, ce sera le 7 août prochain. Parlons maintenant qu'il y a une belle activité qui aura lieu à Saint-Félicien cette semaine, ce mois samedi, où on va honorer nos Olympiens Marianne Saint-Gelais et Cassandra Badette, qui nous ont fait quand même honneur aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Donc l'activité aura lieu de 10h à 14h, ça va avoir lieu à la polyvalente des 80. Donc c'est un peu une fête populaire qu'on désire organiser pour ces athlètes qui ont fait une belle carrière. Le sport local et régional, adanradiosport.com, on s'en occupe.